Bonsoir. Dans Autant n'emporte l'histoire aujourd'hui, Laetitia et Napoléon, Bonaparte de mère en fils. Quand on s'interroge sur ce qui fait un homme au destin exceptionnel, il est rare qu'on se tourne vers sa mère. Quelle erreur, surtout quand il s'agit de Napoléon. En effet, le jeune Napoléon et Bonaparte, moqué à l'école militaire pour son accent corse, serait-il un jour devenu l'empereur Napoléon sans sa mère, la fougueuse et sévère Laetitia? Madame mère avait une âme forte et trempée aux plus grands événements, écrira Lascaz, le mémorialiste de Napoléon. Avant de devenir Altesse impériale et Madame mère, un titre de belle-mère à faire frémir toutes les jeunes mariées, Laetitia en a connu des galères. Contrainte, enceinte de 6 mois, de s'enfuir à cheval dans les montagnes corses, veuve à 36 ans, tirant le diable par la queue avec 8 enfants à charge, plus tard, elle suivra avec anxiété les hauts et les bas de son cher Nabuglio, son bébé magique qu'elle tentera de suivre jusqu'à Sainte-Hélène. Pas étonnant qu'elle compta ses sous en grommelant « pourvu que ça dure ». C'est la relation passionnelle entre ce géant de l'histoire et sa mère, au destin non moins extraordinaire, que je vais raconter ce soir. France Inter, Stéphanie Duncan, Autant on emporte l'histoire. Xavier Mauduit, bonsoir. Bonsoir Stéphanie Duncan. Les auditeurs de France Inter vous connaissent bien, vous avez été pendant longtemps l'acolyte de Philippe Collin. On peut vous voir maintenant tous les soirs dans votre excellente chronique dans 28 minutes sur Arte. Et on le sait moins, vous êtes aussi historien, auteur de plusieurs livres très sérieux, notamment sur les Napoléons, le premier comme le troisième. Alors, Xavier Mauduit, dans votre livre « L'homme qui voulait tout », vous racontez comment s'est construite la légende napoléonienne, la légende dorée et la légende noire aussi. Est-ce que sa mère, Laetitia, y tient une place? Elle est essentielle. Ouais. Elle est essentielle, mais vous l'avez dit, c'est le mot destin. Il y a un destin, on peut pas le nier ce destin, il est comme une évidence, parce que cette Laetitia Bonaparte, qui vient de Corse, c'est une petite famille, honorable famille de Corse, termine mère d'un empereur, mais pas seulement, elle est mère de roi, de reine, c'était complètement inattendu comme destin. Et c'est ce destin qui nous fascine encore aujourd'hui. Le succès de la saga napoléonienne s'explique par ce qui s'est passé en quelques années. C'est extrêmement court tout ça, mais dans une période aussi troublée, aussi fantastique qu'a été celle de la fin de l'Ancien Régime, de la Révolution, de l'épopée napoléonienne. Et pour Laetitia, ça dure. On peut comprendre qu'elle ait été inquiète aussi, parce qu'elle a vécu tellement d'événements. Enfin, il fallait avoir la tête solide pour pouvoir garder la tête froide, justement. C'est exactement ça. Quand on regarde le destin de cette femme qui naît, petite famille modeste et qui termine mère d'empereur, on se dit qu'entre les deux, il y a eu énormément d'aventures. Et c'est vraiment le mot, ce sont des aventures. Vous avez évoqué cette fuite dans le maquis, elle est enceinte de Napoléon, elle est enceinte quand même de l'empereur, on ne le sait pas encore, mais enfin bon, c'est Napoléon qui est là. Elle est obligée, quelques années plus tard, de fuir la Corse en pleine révolution, parce qu'il y a des factions qui s'attaquent au Bonaparte, elle est obligée de partir. Et puis, elle vit sa vie sous les ors des palais impériaux, aux Tuileries et ailleurs. Elle connaît l'exil. Elle est obligée de partir à Rome chez son demi-frère Fesch, le cardinal. C'est un destin extraordinaire. Et ce destin-là, il est au cœur de l'épopée napoléonienne. Moi, je vais vous donner qu'un seul exemple. Vous savez, dans le tableau du sacre, le tableau peint par David, le tableau exceptionnel qui représente le sacre, elle est au milieu du tableau. Elle est au cœur du tableau, sachant qu'en réalité, elle n'était pas présente. Eh bien, c'est ça le destin de Laetitia Bonaparte. Il y a un peu de mystère, il y a beaucoup de magie. Donc c'est des origines finalement de petite noblesse, c'est ça, en Corse Oui, elle n'est pas française. La Corse est rachetée par la France, par Louis XV, en 1768. Donc Laetitia n'est pas française. La Corse dépend de la République de Gênes. Elle a un statut assez particulier, mais vous savez, ce serait idiot de dire qu'il y avait une notion de nation, d'identité nationale. Nous sommes sous l'Ancien Régime. La relation à son identité est beaucoup plus complexe. C'est une évidence qu'elle est corse depuis plusieurs générations. C'est une famille honorable qui appartient aux institutions de la Corse du moment. Mais ce n'est pas une famille très riche. Oh, il y a des propriétés. Et pour Laetitia, c'est vrai que le destin commence très jeune parce qu'elle se marie à 14 ans quand on y pense. Elle a 14 ans. Ça arrivait à beaucoup de femmes à l'époque. Oui. Et elle aura 13 grossesses. Ouais, 13 grossesses. 8 enfants qui survivent. Et quand on regarde un peu le destin de ses enfants, mais réellement, ça donne le vertige. Sacha Guitry le dit très bien dans son film Napoléon. Alors c'est Napoléon qui revient en Corse. Il y a ses enfants qui courent, qui sont là autour de lui, ses petits frères, ses petites sœurs. Et il dit, ben oui, mais tiens, celui-là, c'est le roi de Naples. Et celui-là, c'est un roi d'Espagne. Et celui-là, roi de Hollande. Oui, elle disait qu'il y avait au monde très peu de femmes qui avaient pu gifler autant de rois et de reines à la fois c'est enfants. Vrai. On se retrouve tout à l'heure, Xavier Mauduit, si vous voulez bien, pour continuer cette discussion. Tout de suite, Laetitia et Napoléon, Bonaparte de mère en fils, un texte de Jean-Benoît Patricot, écrit spécialement pour Autant en emporte l'histoire. Réalisation, Hélène Biziot. Qu'est-ce qu'il s'imagine ? Ces rois, ces empereurs, que l'on peut séparer une mère de ses enfants. Ils me l'ont mis sur un caillou au milieu de l'Atlantique, mais rien ne m'empêchera de le rejoindre. Il a besoin de moi. En 1818, Laetitia Bonaparte vit à Rome depuis que son fils Napoléon Ier a été déporté à Sainte-Hélène 3 ans plus tôt. Elle a trouvé refuge dans la ville sainte auprès de son frère ecclésiastique afin de rester sous la protection du pape, puisqu'elle est indésirable partout, même en Corse, sa terre natale. C'est mon anniversaire, 68 ans. Et voilà le seul cadeau reçu de mes enfants, un petit sac de toile. Et c'est moi que l'on traite de pingre. Il n'empêche, sans mes millions mis de côté, toute la famille serait sans le sou aujourd'hui. Il y a quoi là-dedans ? De la terre, des herbes, des feuilles séchées. Et... mon Dieu ! Oh, ce parfum ! Oh, cette odeur ! Mais oui, c'est ma terre, le maquis, le soleil de la Corse, et mon enfant magique. Comment va-t-il ? Si loin de notre Corse et de sa mère. Mon Napoléon. Maman est là. Je vais te raconter une histoire. Celle du bébé magique. L'île où vivaient ton papa et ta maman venait d'être libérée des méchants génois par le grand Paoli. Hélas, le terrible Louis XV, roi de France, envoie ses soldats sanguinaires. Une terrible bataille éclate. Et les troupes de Paoli sont défaites. Alors la maman, avec son bébé dans le ventre, doit s'enfuir dans les montagnes, chevaucher sans s'arrêter et se cacher dans une grotte. Elle doit franchir une rivière aguée. Le courant est si fort qu'il renverse la monture et menace de les emporter. Mais son bébé lui donne de la force et elle réussit à ramener le cheval sur la terre ferme. Quand le calme revient, la maman rentre chez elle. Son bébé est si pressé de naître qu'il ne lui laisse pas le temps d'atteindre son lit et vient au monde sur un tapis, à l'effigie du grand César. Dors, mon bébé. L'orage s'est éloigné. Napoléon, mon bébé magique, c'est toi. Le 15 août 1769, lorsque naît Napoléon, le deuxième fils de Laetitia et Charles Bonaparte, la Corse est rattachée depuis un an à la France. Charles, qui était un proche de Paoli, ne l'a pas suivi en exil. Il est resté en Corse. Il devient alors proche du gouverneur français de l'île, un homme aux manières brutales et violentes pour les Corses entrés en résistance, mais douce et bienveillante pour ceux qui ont choisi la France. La famille Bonaparte profite donc de ses largesses et les fils sont envoyés sur le continent pour étudier. Joseph, l'aîné, entrera dans les ordres. Napoléon, lui, sera envoyé au collège militaire de Brienne pour devenir officier. Mais Charles meurt en février 1785, laissant une veuve de 35 ans, avec 8 enfants à charge et très peu de revenus. Ma chère mère, virgule, ma chère mère. On sent qu'il est difficile d'écrire à une mère qu'on n'a pas vue depuis des années. Le temps a un peu. Le temps a un peu calmé les premiers transports de ma douleur. Et je m'empresse de vous témoigner la reconnaissance que m'inspirent les bontés que vous avez toujours eues pour nous. Enfin, je me rappelle plus ses corrections que la douceur de ses bras. Consolez-vous, ma chère. Consolez-vous, ma chère mère. Les circonstances l'exigent. Nous redoublerons nos soins et notre obéissance pour vous dédommager de l'inestimable perte d'un époux chéri. Surtout, je redoublerai de travail. J'étais celui de ces enfants en qui elle avait placé le moins d'espérance à l'école. Eh bien, je lui prouverai qu'elle avait tort. L'enfant magique sera le meilleur de tous. Je termine, ma chère mère. Ma douleur me l'ordonne. En vous priant de calmer la vôtre. Votre humble et affectionné fils. Votre fils qui a hâte de rentrer en Corse. Quand j'arriverai en septembre, vous verrez. Je serai lieutenant en second. Et vous serez fiers de moi. Napoleon ! Septembre 1786, un bateau accoste dans le port d'Ajaccio. Vous êtes monté à bord pour m'accueillir ? Vous qui avez horreur de naviguer ? J'avais hâte de voir mon fils qui a si brillamment réussi. Oh, mer ! Le golfe d'Ajaccio sous cette lumière. J'en avais oublié la beauté. Il était temps que tu rentres. Attends, laisse-moi te regarder. Quelle belle allure tu as dans ton uniforme. 9 ans d'absence ont fait de toi un homme. Mais viens, montre-toi au soleil. Quel visage, ces cernes, ce teint si... Est-ce bien toi, mon fils ? C'est moi, mère. J'ai mauvaise mine parce que je travaille beaucoup. Mais je ne doute pas qu'ici, je retrouverai figure humaine. Venez, prenons la passerelle. La traversée a été bonne ? J'étais si impatient qu'elle m'a semblé durer 1000 ans. Et dire que tes professeurs voulaient faire de toi un marin ? J'étais doué pour cela. Mon fils, un pur enfant corse, occupé à sillonner les mers, jamais. Qu'importe. Vous avez toujours eu le dernier mot. Attention, ça tangue. J'ai tenu bon, tu sais, sur les pentes du maquis. Qui est sur le quai pour m'accueillir ? Tous, ils sont tous venus. La famille, les amis, nous sommes près de 30. Quel honneur. Dorénavant, c'est toi le chef de famille. Ton frère aîné Joseph a refusé d'entrer dans les ordres et fit du droit. Il fait tout ce qu'il peut pour nous aider, mais il n'a pas ta lumière, mon Abulio, ni ta force de caractère. Et nos finances sont... Pour l'instant, ma paye de lieutenant ne sera pas d'une grande aide. Ne t'inquiète pas, tu vas vite gravir les échelons. Il me manque des quartiers de noblesse pour être nommé officier supérieur. Tu y arriveras, mon Abulio. Les privilèges ne dureront pas toujours. Allez, viens découvrir tes frères et sœurs, qui sont nés après ton départ pour la France. Ils ont tellement entendu parler de toi, de tes exploits d'enfant. De mes exploits ? Ta façon de prendre le pouvoir sur tes camarades, de jouer au chef, même avec ton frère aîné. Tu étais si turbulent. À l'époque, vous n'appeliez pas cela des exploits, mais des fanfaronnades dont il fallait me corriger. Et vous saviez en venir à bout. J'espère ne pas t'avoir passé le goût de toute autorité. Ne craignez rien, ma mère. J'aime toujours commander. Croyez-moi. Les voilà. Ohé ! Ohé ! Ces charognards d'anglais. Ils font croire à mon fils que je ne me soucie plus de lui. Ils interceptent mes lettres pour Sainte-Hélène et lui disent que je n'en envoie pas. Que les corbeaux vous mangent, anglais de malheur. J'aimerais mieux que Napoléoné me croie morte plutôt qu'indifférente. Non, il ne peut pas croire aux sornettes de ces buveurs d'eau chaude. Mon Napoléoné, je crois que c'est après les événements de 1789 que tous les deux, nous sommes devenus vraiment complices. 6 mois après le début de la Révolution française, le 15 janvier 1790, la Corse était devenue un département français avec Bastia pour chef-lieu. Napoléon avait obtenu l'autorisation d'y séjourner plusieurs mois. Paoli, qui avait choisi l'exil plutôt que de servir la France, était lui aussi de retour. À Ajaccio, la Casa Bonaparte, une vaste demeure de 3 étages, accueillait tous les jours des sympathisants à même de faire élire les fils Bonaparte à différents postes. Napoléon, que fais-tu là, suspendu dans le vide ? J'accroche une banderole. Une banderole ? sur la façade de la Casa Buonaparte, tu fous. Il faut clamer nos choix haut et fort. Attention, tu vas glisser. Pourriez-vous me tenir cette corde, madre? Mais qui a-t-il écrit dessus? Vive la nation! Vive Paoli! Allons, madre, ne faites pas cette tête. Pourquoi tous ceux qui vous soutiennent, tes frères et toi, doivent-ils venir chaque soir souper ici? Joseph et Lucien veulent devenir députés. Toi, tu rêves d'un poste de commandement dans une armée corse tous ces dîners, Nabulio. Je ne peux pas suivre. Mes finances sont... Allons, qu'importe l'argent, l'heure est grave. La nation corse libre qui va naître saura reconnaître ses fils et nous offrir des places dignes de nous. Avec Paoli, tout va changer. Oui, enfin, Paoli. Tu accroches une banderole à son nom sur notre maison, mais on m'a dit que votre première entrevue s'est plutôt mal passée. Il n'a pas apprécié ma façon de voir. Il croit à la nécessité de s'associer aux Anglais. Moi, je pense qu'on peut y parvenir avec la France et le tournant qu'elle prend avec la Révolution. Mais ne vous en faites pas, les choses vont s'arranger. Ou s'envenimer. Écoute un peu ta mère. Mais je fais que ça! J'aime nos discussions. Écoutez vos conseils. Vous êtes la seule à connaître mes projets. Toutes ces idées bizarres sur la façon dont tu veux mener ta vie et ta carrière? Celle-là même. Ayez confiance. Les révolutions sont un bon temps pour les militaires qui ont de l'esprit et du courage. Sois prudent. Paoli n'a pas les mêmes vues que toi. Il pourrait te faire payer cher de ne pas le suivre aveuglément. Mère, vous me demandez d'être prudent. Ne me faites pas rire. Qui donc s'est interposé hier, en pleine rue, entre des patriotes et des contre-révolutionnaires prêts à se tirer dessus? Mais ils étaient tous d'Ajaccio. Tous des frères ou des cousins. N'empêche, ils ont baissé leurs fusils devant vous, alors que vous étiez en plein dans leur ligne de tir. Et chacun est rentré chez soi. Vous avez empêché un bain de sang. Je suis si fier de vous. Que veux-tu? J'ai encore du prestige. Je resterai toujours celle qui a fui enceinte dans les montagnes pour échapper aux Français. Avec l'enfant magique. Ne l'oubliez pas. Mais comment ne pas se mettre en danger quand sur l'île cohabitent révolutionnaires et réactionnaires? Les divergences entre Paoli et Napoléon se creusent. Pour libérer la Corse, Paoli souhaite l'aide de l'Angleterre. Lors d'un discours public, Lucien Bonaparte, le frère de Napoléon, emporté par son éloquence, dénonce, lui, la trahison de Paoli. Aussitôt, les frères Bonaparte sont condamnés par celui-ci à une perpétuelle exécration et infamie. Traître à la patrie, mon Napoléon, quand j'y repense. Ils avaient failli me le massacrer dans les rues d'Ajaccio. Il a dû fuir et se réfugier à Bastia. Où est-il passé ce mot qu'il m'avait fait remettre? Voilà quel désordre. Je refuse de me séparer de ce qui me vient de mon Napoléon. Je garde tout. Ça doit être ça. Mes pauvres yeux, difficiles de lire. Préparez-vous. Ce pays n'est pas pour nous. Il voulait que toute la famille le rejoigne à Bastia. Mais moi, comment me résoudre à quitter la Casa Buonaparte? Jamais! Jamais! Et puis, il y a eu cette fameuse nuit. Mais quand était-ce? Il faisait beau, je me souviens. En mai, je crois, en 1793, oui, c'est ça. La nuit du 24 au 25 mai. J'étais couchée depuis longtemps lorsque... Mon Dieu! Les hommes de Paoli! Ils sont là! Les enfants, vite! Je dois sauver mes enfants! Les hommes qui se sont introduits dans la maison sont en fait des amis de la famille Bonaparte. Mais les défenseurs de Paoli arrivent. Il faut fuir. On réveille les enfants. On prend la route pour s'éloigner d'Ajaccio. On se retourne une dernière fois. La Casa Bonaparte est en feu. Puis ce sont les sentiers bordés d'épineux aux griffes acérées, les enfants qui gémissent, 6 jours de fuite à l'abri du maquis, et puis enfin redescendre vers la mer jusqu'à une crique près d'Aspreto. Les dernières heures de la nuit. L'aube se lève et l'espoir fou qu'elle apporte. Les enfants dorment les uns contre les autres. Quand s'achèvera notre calvaire? La mer s'éclaircit. L'horizon se dessine, mais... Une voile? Adieu! Ils foncent droit sur nous. Si ce sont les hommes de Paoli, nous sommes perdus. Vite! Réveillez les autres! Le bateau est tout proche. Un homme saute à l'eau et se dirige vers nous. Cette silhouette, cette vigueur nerveuse, c'est... C'est lui! Nabulio? Nabulio! Dieu soit glorifié! C'est toi! Oh. Mère! Mère! Ah, tu es tout mouillé! Il fallait que je vous serve à mes bras. J'ai eu si peur. Vous êtes tous sains et saufs. Tes frères et sœurs sont là-bas, à l'abri, ils dorment. J'étais fou. Fou de rage, fou d'inquiétude. C'est fini, nous sommes ensemble. Allons les chercher. Oui. Il faut repartir au plus vite. Oui. Les autres ont peut-être déjà repéré mon bateau. Où irons-nous? À Calvi. Et puis de là, nous embarquerons pour Toulon. Oui. Elle me coûte cher, cette voyante. Mais elle vaut bien l'or qu'elle me réclame, elle prévoit les miracles. On me dit que je suis folle de l'écouter. Que je me mets en danger. Fadaise. Moi, je sais que les miracles existent. J'en ai vu. Le premier, lors du siège de Toulon. Les royalistes avaient livré la ville aux Anglais. Et pendant l'assaut, mon Napoléonais a senti le souffle d'un boulet. La mort l'a caressé, mais l'a épargné. Sa victoire lui a valu le grade de général de brigade. Et deuxième miracle, une belle rentrée d'argent. Fini la misère. À nous l'hôtel particulier à Marseille, comme j'étais heureuse jusqu'à cette horreur, cette abomination. Napoléon Bonaparte, promu général de brigade, devient un personnage important à Paris. Après la chute de Robespierre, le 9 Thermidor, le 2 mars 1796, le nouveau régime, le Directoire, investit Bonaparte du commandement de l'armée d'Italie. Le 20 mars 1796, le jeune général, auquel tout réussit, fait une halte à Marseille avant de prendre la route vers l'Italie. Quelle abomination! Fils indigne! Monstre! Me faire ça à moi, ta mère! Ma mort! Mon fils veut ma mort! Il a été envoûté! Oh, voilà ce fou qui arrive. Il n'a pas l'air fier de lui. Bonjour, Napoléon. Bonjour, mère. Ne reste pas si loin, viens ici. On dirait que tu as peur. Entendre ce vacarme, tu es accueilli comme un roi. Il fête celui qui va commander l'armée d'Italie. C'est ce qui me vaut ta visite? Marseille est sur ton chemin, alors tu en profites pour faire une halte et venir me voir. C'est une chance que je n'habite pas Bordeaux ou Rennes. Non, j'ai... Allons, mère, abandonnez ce regard noir, je ne suis plus un enfant. Pourquoi? Quoi donc? Pourquoi? De quoi parlez-vous? Ton mariage! Eh bien, n'y voyez aucune offense personnelle, mère, ce sont les circonstances qui ont dicté ma conduite dans cette affaire. Quelles circonstances? Ma carrière, mes obligations, la vie parisienne... Oh, basta! Mère, j'ai pris une décision et je m'y suis tenue, voilà! Voilà! Se marier sans prévenir sa mère, voilà! Tu te moques de moi, Napoléonais. Mais non, ma mère, je vous assure, il fallait faire vite, je n'avais pas le choix. D'habitude, ce sont les femmes en situation délicate qui n'ont pas le choix. Mère. Mère! Pourquoi avoir épousé cette femme? N'est-elle pas divorcée? Si. Plus âgée que toi? Si, mais... Mais quoi? Tu as toujours été si naïf, grand stratège, et pourtant si petit enfant face à l'amour. Mère, j'aime Joséphine. Est-ce une excuse pour être aussi inconvenant envers moi? Non. Mais je sais votre bonté, et j'ai une faveur à vous demander. Laquelle? Joséphine m'a remis cette lettre qui vous est adressée, dans laquelle elle exprime à quel point elle est fière d'entrer dans notre famille. Oh. Daignerez-vous y répondre? S'il vous plaît. J'y répondrai. Parlons maintenant de ta sœur, Pauline. Elle s'est entichée d'un homme indigne d'elle. Je sais. Il faut que tu mettes fin à cette histoire. Je le ferai, mère. Quand j'aurai conquis l'Italie. Le 29 mars. Le 29 mars 1796. Madame. Madame. J'ai reçu votre lettre. J'ai reçu votre lettre. Elle n'a pas pu ajouter à l'idée que je m'étais faite de vous. À l'idée que je m'étais faite. Mon fils m'avait appris son heureuse union. Mon fils. Et dès ce moment, vous eûtes, avec mon estime, mon approbation. Dès ce moment. Il ne manque à mon bonheur que la satisfaction de vous voir. Cette lettre a le goût du ricin, une vraie purge. Soyez assurés que j'ai pour vous toute la tendresse d'une mère. Enfin, pour être sa mère, il m'aurait fallu l'avoir à 13 ans. Elle est tellement plus âgée que lui. Et que je vous chéris autant que mes enfants. Chérir cette chienne en chaleur? Le proverbe dit vrai. menteuse comme une fille, belle comme une fleur. Je sais que tu feras le malheur de mon fils. Laetitia n'a pas complètement tort. Joséphine se joue de son fils. Elle finit par rejoindre son mari en Italie, mais avec un amant dans ses bagages. Ne pouvant régenter ce qui se passe dans la chambre à coucher du couple, Laetitia juge plus sage de se murer dans le silence. Portée en triomphe après sa victoire en Italie, le général Bonaparte embarque en mai 1798 pour une nouvelle expédition, la campagne d'Égypte, dans le but de barrer la route des Indes aux Anglais. Multipliant les victoires, ainsi que les massacres, Bonaparte décide en août 1799 de rentrer discrètement en France, avec l'intention secrète de prendre le pouvoir. Mon Napoléon, combien de fois l'ai-je cru mort ? La pire, ce fut le jour de son accession au pouvoir, le 18 Brumaire. Alors que mes fils, avec Talleyrand et les autres, se chargeaient de renverser le directoire, moi, comme une imbécile, j'étais au théâtre, où se donnait une comédie. Pourtant, j'avais bien senti leur fébrilité. Et voilà qu'un homme bondit sur scène en hurlant. Le général Bonaparte a manqué d'être assassiné. Dieu, mon cœur s'est arrêté. Mais je me suis vite reprise. Sans attendre, j'ai entraîné ma Pauline, en pleine crise de larmes, et nous sommes rentrés au plus vite rue de la Victoire, chez Napoléon. Napoléon ! Napoléon ! Où es-tu ? Je suis là, mère. Oh ! Oh, tu es vivant ! Ne vous alarmez pas, je vais bien. Oh, merci, mon Dieu ! On a voulu me tuer, mais j'en ai réchappé. Et cette folle journée a une conclusion heureuse, ma chère mère. Laquelle ? Vous avez devant vous le premier consul. C'est moi, désormais, qui gouvernerai ce pays. Napoléon, et toi ? Mais comment ? Tous ceux qui ne pouvaient se résoudre à voir le pays sombrer par la faute du directoire m'ont soutenu. Et tes frères ? Ils ont participé activement à ce renversement. Lucien, surtout, a habilement manœuvré. Quel orateur ! Il n'y a pas eu de sang versé ? Pas une goutte. Oh. Mère, vous voyez où me mènent toutes ces idées que vous trouviez si bizarres quand je vous les confiais à Ajaccio. Fini le chaos. Je referai aimer la République grâce à des lois et des actes d'autorité empreints d'ordre et de justice. Tu y parviendras, mon Abulio. Merci, mère. Je dois vous quitter. Mère, je vous saurais gré de cesser de m'appeler Abulio, cet enfantillage n'est plus digne de mon statut. Le premier consul offre à sa famille un nouveau statut. Des ministères et choix aux frères, les sœurs contractent de beaux mariages. L'argent coule à flot. L'ivresse de la possession sous toutes ses formes s'est emparée des Bonaparte. Même Laetitia découvre le plaisir d'être riche. Bien, marchons au soleil, ça nous fera du bien. Trop de grisailles à Paris. Ce jardin des Tuileries n'aura jamais le parfum de notre maquis. Napoléon, et on dirait que tu ronges des pois chiches, comme on dit chez nous. Qu'est-ce qui te chagrine ? Les affaires ? Les affaires sont des amusements à côté de ce que me fait vivre votre famille. Dont tu es le chef, je te rappelle. Le chef de querelles incessantes, oui. De sempiternelles jérémiades. Et là, avec Lucien, je crois que nous avons atteint un sommet. Lucien ? Mais cette dispute avec ton frère est réglée, non ? Tu as eu raison de le rétablir dans ses fonctions. 2 ans de purgatoire, c'était bien assez. 2 ans amplement mérités. Lucien est un bon orateur, mais il s'est montré incompétent et m'a mis en difficulté. Alors, si c'est fini... Attention, la flaque d'eau. Passons par là. Pourquoi es-tu si en colère contre Lucien ? Ce qu'il vient de faire est inqualifiable. Se marier sans ton accord ? Exactement. Oh, d'autres sont passés par là. Il a épousé une vulgaire actrice, alors que j'avais des projets pour lui. Ce n'est qu'un mariage. Non, mère, les mariages sont des alliances. Et celle-ci ne m'est d'aucune utilité. Je dirais même qu'elle me dessert. Oh. Je vais devoir le sanctionner. Allons ! Rappelle-toi ce que tu lui dois, le 18 Brumaire. Cela ne l'autorise pas à désobéir au premier consul. Son épouse n'est pas à ton goût, mais il s'aime. Il faudra bien t'incliner. C'est un argument que tu peux comprendre, n'est-ce pas ? Et veille à ne pas rompre le lien qui te lie à un frère. Souviens-toi, l'union de notre famille fait notre force. Lucien m'a désobéi. Ce sera l'exil. Rome. Tu ne peux pas. Oubliez-vous qui je suis. S'il part, je le suivrai, tu le sais. Mon enfant préféré, c'est celui qui souffre le plus. Alors, vous allez l'adorer. Bonne route. Laetitia part pour Rome. Lucien et son épouse la rejoignent. La rupture entre les deux frères est consommée. Dans l'esprit de Napoléon, l'idée de l'Empire s'impose. Le Sénat en a fait la proposition. Officiellement, ce serait une façon de protéger la République, d'obtenir une forme de stabilité et de maintenir l'ordre. Napoléon se couronne lui-même empereur des Français le 2 décembre 1804. Bonjour Napoléon, j'arrive. Surtout pas. Mais interdiction totale de bouger. Gardez la pause. Il ne faut pas perturber le travail de notre plus grand peintre. Je n'en peux plus de rester immobile, Napoléoné. Sire. Pardon? J'ai demandé à ma famille de m'appeler Sire ou Altesse. Et le tutoiement n'est plus de mise. Je suis ta mère. Qui a traîné sur les routes pour ne pas assister à mon sacre le 2 décembre, qui est arrivé à Paris le 9. Pour prendre la route, sache-le. J'attendais une lettre mettant fin à ta... à votre querelle avec Lucien. Cette querelle continuera tant qu'il sera marié. Nous sommes à présent une association politique plus qu'une famille. Il y a des règles et chacun doit s'y plier. Pourquoi m'imposez-vous cette séance de pause? Jacques-Louis David va peindre une grande œuvre. Mon couronnement est celui de Joséphine. Et je tiens à ce que vous y figuriez pour la postérité, même si vous n'y étiez pas. Une punition, en somme. Si faible au regard de tous les présents qui vous attendent. Dites. Un décret à paraître. Désormais, vous aurez des armoiries et le titre d'altesse impériale, madame, mère de l'empereur. Vos gens porteront la même livrée que les miens. Si l'argent suit le train de vie que m'impose tout cela... Ne craignez rien, vous aurez de quoi vivre et épargner, puisque tel est votre plaisir. Je voudrais que vous dépensiez 1 million de rentes par an. Ce sera fait si vous m'en offrez 2. Vous devriez acheter l'hôtel de Brienne, rue Saint-Dominique, c'est l'un des plus beaux de Paris. Et puis, j'ai pensé... Oui, Napo. Sire. Que le pape devrait vous couronner. Allons bon, pourvu que ça dure. Cinq ans déjà, ça dure en effet. Je suis comblée et pourtant mon cœur parfois se serre. Nous sommes en 1809 et déjà tant de guerres. Bagram est une victoire, mais j'ai eu si peur. Ah, voilà Nabulio qui arrive. Mon seul plaisir, ses visites au pas de charge. Mère ! Oh, il est en colère. Oui, sire ! Mère ! Maintenez-vous avoir recommandé à l'impératrice cette vendeuse allemande qui traîne dans mes salons. Oui, elle vend de très jolies toilettes. Je viens d'apprendre qu'elle est à coquiner avec un espion. Quoi? Alors, est-ce vous qui l'avez recommandé? Non. Joséphine m'a demandé de vous mentir. Sa faute ne me paraissait pas si grande. Elle est parfois légère et ne se méfie pas assez. Voilà qui est renversant. Une alliance entre madame et l'impératrice. Je suis pour la paix des ménages. Et pour aider ma femme à trahir le pays. Mais je ne pensais pas que... Oh mon Dieu! Rassurez-vous, Altesse. Ce n'est qu'une espionne de petite envergure, mais cela ne fait que conforter ma décision. Quelle décision? Je vais divorcer. Vous ne dites rien. C'est pourtant l'un de vos souhaits les plus chers, n'est-ce pas? Je sais la douleur que va vous infliger une telle décision. Je n'aime pas voir mes enfants souffrir. Il me faut un héritier. Joséphine ne pourra pas me le donner. Je divorcerai donc pour le bien de l'Empire et j'épouserai Marie-Louise d'Autriche. Cette alliance sera la bienvenue. Soyez fort, sire. Ce divorce est un acte nécessaire. Oh, ces douleurs. Je suis allée à l'église à genoux, comme ma voyante me l'a demandé. Plus je souffrirai, m'a-t-elle dit. Plus mon Napoléon se portera bien à Sainte-Hélène. Les Anglais essaient de me faire croire qu'il est malade. Ma voyante est formelle. Ces lettres de Napoléon réclamant un médecin et un prêtre sont fausses. Leur stratagème n'a aucun effet sur moi. Je sais que de grandes choses se préparent pour lui. Dieu lui-même projette de l'aider à s'enfuir. En 1814, il avait bien réussi à s'échapper de l'île d'Elbe. Quand j'y pense, nous étions bien là-bas tous les deux. En mars 1814, après 10 ans de règne, la défaite de la campagne de Russie conduit les puissances alliées, l'Angleterre, la Russie, la Prusse et l'Autriche, à exiger l'abdication totale de l'empereur. Marie-Louise d'Autriche, qu'il avait épousée après avoir divorcé de Joséphine, et son fils, le roi de Rome, sont écartés du pouvoir au profit de Louis XVIII. C'est la fin de l'Empire et le début de la Restauration. En avril, Napoléon est exilé sur l'île d'Elbe. Laetitia est autorisée à le rejoindre. Mère, vous tremblez. Il fait frais, rentrons. Oh non, je suis bien. J'aime cette île la nuit. J'ai l'impression d'être chez nous en Corse. Et puis... Oui. Vous savez, mon fils, on ne tremble pas que de peur ou de froid. On peut aussi trembler de joie et de contentement. Pourquoi ce tremblement de bonheur, alors ? Ne le prenez pas mal, mais ces derniers mois, ici, cette jolie maison, cette ville qui me rappelle Ajaccio et surtout vous. Vous, tout à moi. C'est égoïste, je le sais, vous n'êtes pas heureux ici. Mais ces moments seront, je crois, les plus doux et les plus chers de ma vie. Vous me secondez si bien. Vous êtes une maîtresse de maison rêvée. Toutes ces réceptions que je peux encore donner et... Oui. Vous vous montrez si généreuse. À quoi servirait tout l'argent que j'ai accumulé, sinon à adoucir votre séjour ? Tout de même. Soyez prudente avec les dépenses. Je pourrais tenir des années. Ça ne sera pas nécessaire. Pourquoi ? Mes agents me l'ont fait savoir. Je fais encore peur à ceux qui m'ont défait. Et l'île d'Elbe est trop proche. On parle de m'envoyer très loin, si loin qu'aucun retour ne pourra être envisagé. Et puis, des nouvelles de France font état d'un grand mécontentement du peuple et de l'armée. Vous songez à rentrer à Paris ? Qu'en pensez-vous ? Renoncer à cette tranquillité ? Retourner dans le brasier, la folie du monde ? Oui. Le choix est difficile ? Je sais. C'est pour cela que je vous en parle. Votre avis m'est précieux. Alors va, Nabulio. Reprends ta place. Peut-être que Dieu te guidera encore sur le champ de bataille. Sinon... Sinon ? Mieux vaut une mort glorieuse, les armes à la main, qu'un dernier soupir de dépit dans un lit. C'est décidé, alors. Je pars demain soir. Comment vous y prendrez-vous ? Avec la petite troupe que vous avez financée ici, nous débarquerons à Golfe-Juan. Puis l'aigle volera de clocher en clocher jusqu'au tour de Notre-Dame. Le retour de Napoléon aura duré 100 jours. Après la défaite de Waterloo, l'empereur abdique le 22 juin 1815. Vous voyez, chère mère, ce sera un dernier soupir dans un lit. Dieu n'a pas voulu de moi à Waterloo. Ne regrettez pas, mon fils. Viendrez-vous me rejoindre à Sainte-Hélène ? Si on m'y autorise. Je me suis occupé de mes frères et sœurs. Ils gardent leurs titres et leurs rentes, malgré toutes leurs petites manigances contre moi. Je sais. Mon Dieu, ma mère, avoir tout perdu. Un empire, une femme, un enfant. Regardez devant, mon fils. Le temps vous sera favorable. Rédigez vos mémoires. Commencez à laisser une trace afin d'éclairer de votre génie les générations à venir. Et vous, qu'allez-vous devenir ? Le seul endroit où je voudrais me rendre, la Corse, m'est interdit. Je vais donc rejoindre Rome. Le pape n'oublie pas que vous avez rétabli l'Église dans ce pays. Je pars en éclaireur. Si la situation le permet, vous m'y rejoindrez. Je viendrai. Adieu, mère. Adieu, mon fils. Ça y est. Napoléon s'est échappé de Sainte-Hélène. La voyante m'a tout raconté. Une lumière poudrée, une fine pluie d'or tombée du ciel l'a auréolée. Les anges sont descendus, ils l'ont emporté au-dessus des mers et l'ont déposé dans un endroit secret, sur le continent africain. Là, on l'a fêté comme le grand empereur qu'il est. Il va revenir ici, à Rome, je le sais. J'ai fait dresser son lit de camp à côté du mien. Ces crétins d'anglais et leurs fausses lettres qui décrivaient sa maladie. Ils m'ont prise pour une vieille gâteuse. Je les ai bien eus. J'ai fait envoyer à Sainte-Hélène le plus mauvais médecin de la ville et un prêtre d'une bêtise confondante. Que les Anglais se les gardent. Moi, je sais que mon fils est en pleine forme. Il est en train de lever une armée pour reconquérir son empire. Ce n'est qu'en recevant l'annonce officielle de la mort de Napoléon, le 5 mai 1821, que Laetitia Bonaparte recouvre ses esprits. Dieu m'a oubliée, en 1836. Qu'est-ce que je fais encore sur cette terre? À 86 ans. Il est temps de rejoindre mes enfants. Mes petits-enfants disparus. Et celui que je veux le premier serrer sur mon cœur. Mon enfant magique. Même si c'est celui, je le sais, qui a fait le plus souffrir. Laetitia et Napoléon, Bonaparte de mère en fils, de Jean-Benoît Patricot, avec Laetitia, Marion Malenfant et Napoléon, Yvan Cory. Prise de son, Olivier Dupré et Antoine Viossa, mixage Nassim Moussaoui et Léo Prangère, réalisation Hélène Biziot. Dans quelques minutes, on reprend la discussion sur Laetitia et Napoléon avec mon invité Xavier Mauduit. L'histoire sur France Inter. If I was a man and opened my body, oh, would I now understand you completely? If I was a man and opened my body, if I was walking and talking as a man. As a man. As a man. À Anna Calvi, As a Man, sur France Inter, Autant n'importe l'histoire, réalisé par Juliette Gou, assisté d'Emmanuel Fournier, disque choisi par Thierry Dupin, à la technique Nasser Moussaoui. Xavier Mauduit, terrible destin que celui de Laetitia, donc on l'a entendu, qui a vu son fils déporté à Sainte-Hélène par les Anglais. Elle va lui survivre 15 ans, recluse à Rome, à moitié folle, surveillée par l'ambassadeur de Louis XVIII. C'est dur hein, comme histoire, oui. Bah, tellement romanesque. C'est tellement romanesque parce que effectivement, après la chute de son fils, elle connaît plusieurs rois en France, Louis XVIII, Charles X, Louis-Philippe, elle est toujours là, elle est à Rome, oui. Mais elle regarde tout ça. Et vous savez, il y a quelque chose d'assez fascinant dans cette histoire, c'est l'émotion hein, portée par l'épopée napoléonienne. C'est pas un hasard si les romantiques s'en sont saisis. Si Victor Hugo prend à bras-le-corps toute cette histoire, parce qu'elle est folle. Tous ces gens venus d'un peu partout, avec des destins qui étaient plus ou moins tracés, c'est une époque où on faisait souvent le métier du papa, eh bien d'un seul coup, pouvait espérer devenir quelqu'un. C'est le cas de la famille Bonaparte. Ces petits Corses n'auraient jamais pu penser un jour régner sur toute l'Europe. Eh bien, c'est ce qu'a fait le phare de la famille, le totem, c'est Napoléon. Le totem, c'est une expression de Pierre Branda qui a écrit la saga des Bonaparte. Oui. Il dit, mais à l'instar de Walt Disney, on aurait pu appeler ça Napoléon et les sept nains, tellement le totem domine l'ensemble. Et pourtant, dans cette saga des Bonaparte, il y a plein de personnages et la mère Laetitia joue un rôle essentiel. Oui, parce que donc c'est une jeunesse assez rude qu'a eu ce Napoléon. Hein, on l'a vu, il est parti enfant, il avait même pas 10 ans. Il est parti en France pour devenir un petit soldat. Il ne rentre en Corse qu'en 1786, il a 17 ans. Son père est mort, il se retrouve chef de famille. Enfin, c'est une histoire assez difficile, un poids familial, une responsabilité qu'il va devoir porter toute sa vie. C'est vrai, ça commence pas, on a envie de dire, c'est pas simple. En tout cas, ça commence presque loin de la France. Même si la Corse est en France depuis 1768, donc Napoléon Bonaparte est né sur une île qui vient tout juste d'être française. Malgré tout, ses préoccupations sont très très loin de la France. Il est Corse, il imagine tout autour de la Corse, autour de la plantation de mûrier. C'est son père qui a réussi à obtenir une aide du gouvernement français pour planter des mûriers. Parce que le mûrier, c'est l'avenir. Sauf qu'en Corse, ça ne marche pas du tout. Ils plantent ça dans un endroit où il y a des inondations, les mûriers pourrissent sur pied. C'est le hasard de la Révolution qui va changer complètement le destin. C'est le hasard qui fait que les Bonaparte vont se trouver, on va dire, du mauvais côté au mauvais moment et qu'ils vont devoir, en 1793, fuir la Corse pour simplement éviter la vengeance, la vendetta, on pourrait dire, de factions rivales. Mmh. Et que la pauvre Laetitia, veuve, se retrouve avec ses enfants sur le continent. Et oui, là, on dit que ses filles auraient été laver le linge dans la fontaine du village. À Marseille, allez. Oui, les futures reines, voilà, les sœurs de Napoléon. Enfin, c'était une histoire étonnante. Belle, hein. Et sa mère qui ne se remarie pas, alors est-ce que c'est par abnégation, par fidélité à son défunt mari? Ça crée une situation assez bizarre quand même, une relation assez particulière entre la mère et le fils, il me semble. D'autant qu'ils n'ont que 19 ans d'écart. C'est presque un couple. Il y a quelque chose de particulier. Napoléon n'est pas l'aîné. Xavier Mauduit, psychanalyste. Un petit peu, j'essaie. Non, mais c'est vrai qu'en histoire, on peut pas faire de la psychanalyse. Mais en revanche, et c'est un peu le travail qu'on peut faire avec une fiction, c'est réfléchir quand même sur ces liens qui unissent les gens. Et il est très compliqué, Napoléon n'est pas l'aîné. Et pourtant, c'est lui qui a charge de famille. Complexe. Il a, avec sa mère, une relation très particulière. Mais parce que il faut replacer toute cette histoire dans le contexte de ces clans familiaux très forts. Ça explique peut-être pas l'ensemble de l'épopée napoléonienne, mais c'est quand même au cœur de ce que l'on doit comprendre sur ce qui s'est passé, sur l'attachement de Napoléon avec ses frères, avec ses sœurs, avec sa mère, les Corses. Ils parlent Corse entre eux. Quand ils sont aux Tuileries encore, ils parlent toujours Corse. Mais il y a quelque chose qui est très très fort. Alors, pas faire de la psychanalyse sociale non plus de ce que peut être la Corse. Allez-y, mais on essaye. Non, mais c'est un peu au cœur du questionnement. C'est ce qu'explique Patrice Guénifet dans son ouvrage sur Bonaparte, où il dit, faut peut-être aller un petit peu en Corse pour essayer de comprendre ce qu'ont été les Bonaparte. Alors Napoléon, est-ce qu'il devait justement une grande partie de sa carrière à sa mère, hein, cause peut-être du caractère aventureux justement de cette mère, hein, on parle toujours de son côté, la pauvre veuve, dans l'abnégation, etc., confide de dévotion, certes, mais elle était peut-être aussi assez aventureuse elle-même, et puis à cause aussi de la mort de ce père, un père qui peut-être ne lui aurait pas permis justement à Napoléon de mener la vie comme il l'a fait, et Napoléon écrira « Si mon père avait vécu, il eût probablement arrêté ma carrière ». Il était patriote, certes, mais il tenait aux idées de noblesse. Donc il y a quelque chose, justement, cette espèce de conjonction. Il y a la révolution qui change tout et qui, en même temps, voilà, il y a cette mère qui le laisse vivre sa vie, quoi. En 1785, meurt le père de Napoléon. Il meurt d'un cancer de l'estomac. On a longtemps dit ça. Aujourd'hui, on vient un petit peu sur cette idée-là. En tout cas, il a un problème à l'estomac et il meurt à Montpellier. Et c'est à ce moment-là que le chef de famille devient ce jeune homme, Napoléoné Buonaparte, parce que à ce moment-là, il s'appelle pas encore Napoléon Bonaparte. Napoléoné Buonaparte, qui se trouve d'un seul coup en charge. Oh, de quelques biens, mais c'est pas énorme, et surtout d'une famille. Et ça, c'est lourd à porter. C'est du concret. L'histoire, et surtout quand on parle d'épopée, part tout de suite dans des délires lointains. Et Napoléon, qui est enfant des Lumières quand même, a lui aussi eu dans ses écrits de jeunesse des rêves absolus de conquête de l'Orient. Mais il y a la réalité, il y a le concret, il faut manger, il faut vivre. C'est pourquoi il va avoir avec sa mère un lien très fort, parce que ben, tous les deux sont conscients que tous les petits frères, les petites sœurs sont là, et il faut alors les faire vivre, c'est une chose, mais surtout, on va dire, leur trouver un parti, leur trouver une vie acceptable, et elle est difficile à trouver en période de basculement complet de la société. On a beaucoup ironisé sur la véritable ou prétendue radinerie de Laetitia, sa fameuse phrase « pourvu que ça dure, elle économise sou par sou en cas de coup dur ». À travers cette ironie, est-ce qu'il n'y a pas un peu l'expression d'un mépris social pour ce Napoléon, sa famille, ce petit Corse, cette famille de nouveaux riches, de parvenus aussi ? Il y a un vrai souci autour de l'argent et des Bonaparte. L'argent, c'est essentiel. C'est essentiel parce que l'argent, c'est le pouvoir, on le sait bien. Et pour une femme, une famille qui a connu, alors peut-être pas la misère, mais qui a frôlé la misère, d'un seul coup se retrouver à la tête de beaucoup d'argent peut faire tourner la tête. Mais il y a la volonté d'économiser. À côté de ça, il y a l'obligation de dépenser. Parce que pour Napoléon, dépenser est une obligation. Il faut montrer. Quand il devient empereur, oui. Quand il devient empereur. Ouais. Mais quand il devient empereur, et j'ai presque envie de dire même avant. Même avant, même quand il est général de la Révolution, il a bien compris que, eh bien, il faut construire une image et cette image, elle doit être flamboyante, scintillante et il ne faut pas hésiter à dépenser de l'argent pour cela. Et en 1808, il rétablit les titres de noblesse, les armoiries, vous dites dans votre livre, refleurissent. Il ne manque pas de culot quand même, hein, cet homme qui s'est construit grâce à la Révolution, voilà, c'est la noblesse qui revient et il en fait profiter toute sa famille. C'est la complexité absolue de celui qui sauve la République, qui se présente comme tel, et qui en même temps tue la République, parce qu'il instaure l'Empire, mais la République reste présente. C'est très complexe, ce moment-là. C'est pourquoi on parle d'épisode napoléonien, parce qu'on est dans une parenthèse. Le bonapartisme, au sens mouvement politique, c'est après. C'est né de Napoléon, mais ce moment napoléonien n'existe que parce qu'il y a un homme au cœur de tout ça, Napoléon. Et Laetitia n'a pas dû être une belle-mère très facile. Ça a dû être difficile pour ses deux belles-filles, Joséphine et Marie-Louise. Peut-être un peu plus pour Joséphine quand même. Oui, bah oui. Merci beaucoup Xavier Mauduit. Vous êtes l'auteur entre autres de L'homme qui voulait tout, Napoléon, le faste et la propagande chez Autrement et qui vient de sortir, toujours de vous, Vidocq, une vie épique, paru chez Bayard. À lire également sur Napoléon, Bonaparte n'est plus, Le monde apprend la mort de Napoléon, de Thierry Lenz, qui vient de paraître chez Perrin. Autant n'importe l'histoire est terminée pour ce soir. Vous pouvez réécouter ou podcaster cette émission sur notre site franceinter.fr où j'attends vos commentaires, ainsi que sur la page Facebook de l'émission. Dimanche prochain, nous partirons à Paris sous le règne de Napoléon, le troisième cette fois, dit Napoléon le Petit, en compagnie de deux frères aussi différents que talentueux, les frères Félix et Adrien Tournachon, plus connus sous le nom de Nadar, qui ensemble révolutionnèrent l'art de la photographie. Les frères Nadar, aventuriers de la photographie, c'est dimanche prochain dans Autant n'emporte l'histoire. Mais dans quelques minutes après le flash, vous avez rendez-vous bien sûr avec Édouard Baer, Lumière dans la nuit. Excellente soirée sur France Inter.